الحمد لله الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد on s'était arrêté la semaine dernière avec le partage du butin. Et on avait tiré plusieurs morales du partage du butin. Et parmi ces morales, on avait rappelé ici que le prophète alayhi salatu wassalam n'avait pas du tout été injuste, mais il avait favorisé un groupe de croyants ici car il voulait simplement gagner leur cœur. Et d'autres personnes parmi les croyants, et particulièrement Al-Ansar, ont eu mal. C'était justifiable. Pourquoi ils se sont dit, nous on a été persécutés, on a soutenu le prophète pendant des années, voilà que le partage du butin se fait, et le prophète alayhi salatu wassalam nous délaisse. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam ne les a pas délaissés, mais il savait qu'il avait confiance en eux et que eux ils n'avaient plus rien à prouver. Alhamdulillah, ils avaient déjà prouvé qu'ils aimaient Allah et son messager. Tandis que les autres étaient nouveaux, il fallait gagner leur cœur. Donc il y avait une raison à cela. Et ça nous rappelle aussi que qui aime bien châtie bien quelquefois. Et ça ne veut pas dire tout le temps ici, ça ne veut pas dire que si tu vois une personne ou si tu vois plutôt une personne qui ne te fait pas plaisir tout le temps, ça ne veut pas dire qu'elle t'aime pas ou qu'elle préfère d'autres personnes que toi. Peut-être que c'est tout le contraire. Comme le prophète alayhi sallam a dit aux Ansar. Le prophète alayhi sallam, il a fait dua pour les Ansar. Il a imploré Allah azza wa jalla en faveur des Ansar. Et il a rappelé que si les Ansar prenaient un chemin, ils suivaient le chemin avec les Ansar. Il a rappelé qu'il les préférait aux autres. Lakin le prophète alayhi sallatu wassalam a voulu favoriser un groupe de personnes, un groupe de sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, les annahum, ils étaient nouveaux dans l'islam. Ils voulaient gagner leur cœur. Et c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a eu lieu. Il a gagné leur cœur. Donc nous disons ici, c'est pour ça que quelquefois nous voyons, quand il y a des professeurs, quand il y a le mashaïr, quand il y a ici des savants qui sont plus durs quelquefois avec certains de leurs élèves, et quand ils voient des nouveaux ici venir, ils agissent avec plus de douceur envers eux. Pourquoi ? Parce que les autres, les premiers, qui sont anciens et qui sont proches ici du professeur ou du cheikh ou du savant, etc., ici, le savant sait très bien, ou le shir sait très bien que ceux-là, alhamdoulilah, ils ont prouvé ce qu'il fallait prouver. Donc il est monté, ou il a monté de niveau avec eux. Il veut les forger. Il veut les forger pour pas qu'ils deviennent telle une plume qui, quand n'importe quel vent passe, emporte cette plume. Soit à droite, soit à gauche, soit devant, soit derrière, soit en bas, soit ici, élève cette plume. Lakin, il veut des gens qui sont fermes comme des montagnes. Donc ici, il est plus dur avec certains élèves. Pourquoi ? Pour leur faire monter de niveau et les forger. Pour qu'au moment où ici il y a les tempêtes, les troubles, les fitan, ici ces élèves-là, ils soient au niveau. Tandis que la personne qui est nouvelle, khlas, il faut aller doucement avec lui, il faut lui ouvrir les portes. Même s'il fait 5 erreurs devant toi, il fait 15 bid'ah devant toi, est-ce que tu vas réagir de la même façon avec celui qui a 30 ans de religion ? Est-ce que le shir va réagir ? Pas du tout. Parce que lui va dire, subhanallah, 20 ans de religion, 15 ans de cours, 10 ans de aqidah, et tu me fais encore une innovation comme ça, grosse. Ici, aussi grosse que même un nouveau dans la religion verrait que c'est une innovation. C'est normal. Tandis que le nouveau, il va le laisser. 5, 7, 8 innovations. Il va dire, ici, c'est pas le moment ici que je le corrige car il y a plus important. Donc ici, je vais l'ancrer sur ce qu'on appelle at-tawhid, al-aqidatu sahiha, l'amour d'Allah Azza wa Jal, de son messager, alayhi salatu wassalam. Et qu'à petit à petit, étape par étape. Voilà le prophète, alayhi salatu wassalam. Certes, il ne leur a pas donné une partie du butin. Ils se sont sentis délaissés, mais quand le prophète alayhi salatu wassalam leur a rappelé pour quelle raison il agit ainsi, alhamdulillah sami'na wa ata'na, on a entendu et on a obéi, ils se sont soumis à la vérité. Al-haq, ils se soumettent, sami'na wa ata'na, on a entendu et on a obéi, et ils ne sont pas restés discuter, oui mais quand même, d'accord, mais pourquoi eux, mais nous on avait droit au moins une petite part, abadan, khalas, le prophète leur a expliqué, sami'na wa ata'na. C'était des gens solides, et c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui dans la communauté. C'est pour ça qu'on rappelle à nos frères et sœurs qu'il ne faut pas juger tout comportement rapidement sans science. Il faut avoir ici et juger les situations et les comportements de certaines personnes, surtout ceux qui sont au-dessus de toi, dû à leur niveau de science, avec basira, clairvoyance, avec sagesse, hikma, et avec science, ilm, et avec bonne compréhension, al-fahm al-sahih. Et c'est à ce moment-là que tu comprendras la religion comme il se doit. Et tu verras la valeur des gens qui sont au-dessus de toi, dû à leur niveau de science, et tu diras, alhamdulillah, qu'Allah Azza wa Jalla a mis des gens sur mon chemin, certes pour me secouer, certes pour être un peu dur envers moi, mais ce sont des causes qui ont fait que je suis devenu une personne ferme dans ma religion, alhamdulillah, et que j'arrive à distinguer entre le haq wal batil, entre le bid'ah wa sunnah, entre le khayr ou le shar, entre le bien et le mal, de façon générale. Et ça, c'est un grand bien que d'avoir des gens comme ça sur notre chemin. Et on implore Allah subhanahu wa ta'ala ici de nous accorder la sincérité, la véracité, et de nous accorder ce qu'on appelle al-thabat, hatta nalqah subhanahu wa ta'ala, ici le raffermissement jusqu'à ce qu'on rencontre Allah azza wa jal. Ici, on continue avec l'étape qui a suivi. Après le bataille, ou plutôt afwan, après le partage ici du butin, ici ça ne s'est pas arrêté là. On ne s'arrête pas ici quant à la biographie du prophète alayhi salatu wa salam, mais on rentre dans une grande étape. Et cette étape, c'est ce qu'on appelle ghazwatu tabuk. Cette grande ghazwa qui est la dernière ghazwa, la dernière expédition dans laquelle le prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim a participé. Ghazwatu tabuk. C'est la dernière expédition dans laquelle le prophète alayhi salatu wa salam a participé. Et on voit au fur et à mesure, en général, dans les expéditions, on prend des morales le moment du combat. Quand ils combattent, les compagnons avec le prophète alayhi salatu wa salam, on tire souvent des morales. Mais les plus grandes morales dans les ghazawas, ici ce qu'on voit, c'est qu'on prend les morales au moment où ils se préparent pour partir, lors du chemin, quand ils partent pour ici affronter la troupe ennemie, c'est-à-dire on prend les histoires, al-ibar, ici les leçons, etc., surtout à ces moments-là, et quand ils reviennent de cette bataille. Mais on prend aussi quand ils combattent, mais c'est surtout quand il y a les préparatifs pendant le chemin et au retour, et surtout pendant la bataille de Tabouk. Surtout pendant la bataille de Tabouk qui renferme ici des centaines et des centaines et des centaines de fruits pour ceux qui comprennent la religion comme il se doit. Des centaines de fruits. Des dizaines de morales. Wallah, il y a des choses qui valent plus que de l'or. Pour ceux qui comprennent et ceux qui méditent cette bataille et de toute façon l'ensemble de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. La bataille de Tabouk qui a eu lieu fi sanati tasi'a lil hijra, à l'an 9 de l'Hijra. L'an 9 de l'Hijra a eu lieu cette bataille. Cette bataille qui a été appelée Ghazwatul Usra. Et on a appelé l'armée Jayshul Usra. C'est la bataille de l'adversité, ou dit si tu veux, la bataille de la difficulté. Al-Usra. Et ici, Jayshul Usra, c'est-à-dire l'armée de l'adversité. Ceux qui ont connu beaucoup de difficultés. Regardez Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran Al-Karim? Il nous rappelle que ils ont vécu d'énormes difficultés et d'adversités pendant cette bataille-là. Particulièrement cette bataille-là. Dans les autres batailles, on les a vues, Ghazwatul Ahzab, et on a voyagé dans Surat Al-Ahzab, les coalisés. Et là, on va voyager dans Surat At-Tawbah, le repentir. On va voyager à travers les versets de Surat At-Tawbah. Ici, quand tu parles de Ghazwatul Tabuk, ici, ça doit te faire tilt dans la tête, Ghazwatul, ou plutôt Afwan Surat At-Tawbah. Ici, la sourate du repentir, et voyager à travers cette sourate, incha'Allah ta'ala, à travers ces versets coraniques. Ici, on voit que ses compagnons, à travers le verset que je vais vous citer ici, ont vécu beaucoup d'adversités, et ça a été très difficile pour eux cette bataille, comme on va le voir dans les détails, bi'idnillahi azza wa jal. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, wa ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laqad taba Allahu ala an-nabi, wal muhajirin wal ansar, alladhina attaba'uhu fi sa'ati al-usra, min ba'di ma كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم. الله عز وجل يجي ici dans sourate At-Tawbah, il reste toujours dans sourate At-Tawbah. Il dit Allah عز وجل, verset 117 si tu veux prendre le verset, Allah عز وجل a certes accueilli le repentir de qui? Du prophète عليه الصلاة والسلام, celui des immigrés, ainsi que des auxiliaires al-ansar qui l'ont suivi au moment difficile. Subhanallah, quand Allah عز وجل dit dans le Coran au moment difficile, soyez sûrs que c'était un moment difficile. Radiyallahu anhum wa ardahum. Ces compagnons dont on a parlé le précédent vendredi. Ici, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Qui, wallah, ici, on parle pas d'eux, c'est une honte. Si on ne raconte pas leurs histoires, c'est une honte. Si on médite pas leurs histoires, c'est une honte. Si, écoutez bien, si on ne raconte pas et on n'a pas plaisir à raconter leur histoire à nos enfants, à nos épouses, à nos parents, etc., leur histoire, c'est une honte. Si toi, ton père décède, ya Abdallah, et tu es avec tes enfants ont 15 ans, ont 16 ans, est-ce que tu vas vouloir parler à tes enfants de ton père qui est décédé? Oui ou non? Oui, pourquoi? Parce que tu vas te sentir obligé, pourquoi? Parce qu'il s'est occupé de toi, tu l'as aimé, tu l'as chéri comme lui t'a aimé, il t'a fait beaucoup de bien. Donc tu dis la moindre des choses, tu te sens oublié, et bien plus que cela, tu vas le faire avec amour et plaisir. Parler de la vie dans les moindres détails, de la vie de ton père à tes enfants. Vous savez comment était votre grand-père ? Mon père était comme ça, mon père était comme ça. C'est pour ça qu'on entend nos parents, quelquefois, qu'ils parlent de leur père. Ils aiment raconter des anecdotes concernant leur père. Pourquoi ? Parce qu'ils les ont aimés. Et ici, ça leur fait du bien, et ça leur fait plaisir, et ça les apaise de parler d'une personne qu'ils ont aimée et chérie. Comment toi, tu prétends aimer ce sahaba qui est tout sacrifié, pour qu'au jour d'aujourd'hui, on soit ici dans le raha, l'apaisement, ici la sérénité, as-sakina, dans le réconfort. Et le confort ici, en parlant d'eux et en apprenant notre religion à travers les Corans, à travers le Coran et la Sunna. Ici, comment ne pas parler d'eux ? Ici, à titre simplement de quoi ? De reconnaissance envers eux. Radiyallahu anhum wa ardam, alors qu'ils ont tout sacrifié. Et des gens vont dire, mais oui, mais sahaba, tu as fait une conférence, tu as fait une khutbah, on connaît, ils voient le titre, les compagnons du prophète, on connaît les compagnons. Là, j'ai déjà lu, moi, un livre sur Abu Bakr. Mais quand tu médites, tu te dis, wallah, on est très loin. Et il faut pas se dire, c'est halal, c'est haram, c'est mustahab, c'est obligé que je lis là. C'est ib, c'est honte. C'est une honte, c'est ib, c'est honteux. De ne pas lire leurs histoires, alors qu'ils ont sacrifié comme, même ton propre père n'a pas sacrifié pour toi, ya Abdallah. Même comme ta mère n'a pas sacrifié pour toi. Les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, ils ont donné leur vie, leur argent, leur bien, tout. Pourquoi ? Pour l'amour d'Allah Azza wa Jal et de son messager, alayhi salatu wassalam. Pour le bien de la communauté, ils ont sacrifié leur temps, leur argent et sont partis dans les quatre coins du monde en délaissant tout. Pourquoi ? Pour transmettre la religion à da'watu ilallah et Azza wa Jal, tout en sachant qu'à chaque minute, ils risquaient de perdre quoi ? Leur travail ? De perdre quoi ? Leur épouse, leurs enfants, leur vie ? De perdre leur vie, lakin ils ont tout sacrifié, jusqu'à ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit pour nous montrer l'ampleur des compagnons et la grandeur, ici, ou plutôt, l'éloge que le prophète alayhi salatu wassalam a fait, et Allah azza wa jal, des compagnons, regardez ce que le prophète alayhi salam il dit, il suffit de méditer ce hadith, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, le prophète alayhi salam il dit, ne dites pas du mal de mes compagnons, wallah, par Allah, si l'un d'entre vous dépensait la valeur, ou ici, ce qu'il y a, l'un d'entre vous donne en aumône plutôt, avec une traduction approximative, l'équivalent ici de la montagne de Uhud, il n'égalerait pas les mérites d'un seul des compagnons. Juste les montagnes de Uhud. Tout ça en or, tu le donnes, t'égaleras jamais le mérite d'un. Imagine-toi, d'un compagnon. Quelqu'un va dire, j'ai donné 100 000 euros aujourd'hui. Fis abilillah, 100 000 euros. Et personne ne m'a vu. Khlas, il se sent bien. Ifrah, dis-toi que même si tu avais dépensé des millions d'euros, ici, tu n'égalerais pas un seul compagnon. Radiyallahu anhum wa ardahum. Allah les a cités dans le Coran al-Karim. Le prophète alayhi salatu wassalam a fait leur éloge, c'est qu'il y a une raison, ya Abdallah. Si quelqu'un va nous dire, dans le sahih, il est relaté que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, dans le sens, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, il viendra une époque de fitaine où, appliquer la religion sera très difficile. Ça sera comparable à ce que l'un d'entre vous tienne. Ou à ce que l'un d'entre vous plutôt tienne. Des braises de feu dans sa main. Et celui qui accomplira des œuvres à ce moment-là, man ya'mal, yani fi waqtil fitan, dans le moment, l'heure des fitan, des troubles à ce moment-là, ici aura la récompense de 50. Les compagnons ont dit à Rasulallah, 50 d'entre eux. Le prophète alayhi salam, il a dit 50 d'entre vous. Il a dit 50 d'entre vous. Quelqu'un va nous dire donc qu'on peut avoir plus de mérite que les compagnons, abadan. Là, ici, comme il dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, ici, il y a des actions, comme le prophète alayhi salatu wassalam dit, si tu les accomplis, tu auras la récompense de 50 compagnons. Mais ça ne veut pas dire que de façon générale, tu pourras avoir plus de mérite qu'un seul compagnon, car on travaille avec tous les textes coraniques et prophétiques dans une seule, mais elle a dans un seul sujet, dans un seul contexte, quand on parle d'un contexte. Ici, quand on rentre dans un contexte, dans un sujet, il faut réunir tous les preuves du Coran et de la Sunna. Et en les réunissant, il suffit de citer le hadith de Al-Bukhari ou Muslim où le prophète a dit, même si tu donnes l'équivalent de la montagne de Uhud en or ou en argent ou en... Donne fi sabilillah. Ce qui est équivalent à la montagne de Uhud, tu n'égaleras pas, ne serait-ce qu'un compagnon. Donc ici, bien sûr, il y a des actions qui font que quoi? Parce que tu as œuvré alors qu'il y a beaucoup de troubles. C'est très dur d'appliquer sa religion comme nous. Comme à notre époque maintenant, tu auras la récompense de 5 compagnons. Ça, c'est quoi? Une bonne nouvelle. Alhamdulillah. Lakin. Égaler les compagnons, abadan, personne d'entre vous n'égalera ne serait-ce qu'un compagnon, même si tu fais quoi que ce soit, même si tu donnes des millions fisabilillah, même si tu apprends de la science jour et nuit pendant des années, même si tu es le plus grand des savants, tu n'atteindras jamais le rang d'un seul compagnon. Et comment dire le contraire? Quand on voit tout ce qu'ils ont sacrifié depuis le début, quand on lit leur histoire, est-ce que vous croyez que c'est en claquant des doigts et en restant dormir jusqu'à midi, et en apprenant un peu de science, sacrifiant un peu d'argent, qu'ils ont réussi à acquérir ces récompenses? Ja'far radiyallahu anhu arda, le prophète alayhi salatu wassalam a dit, certes j'ai vu Ja'far au paradis en train de voler avec deux ailes. Ja'far al-Tayyar. Est-ce que tu crois qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné deux ailes au paradis et le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu au paradis de son vivant alayhi salatu wassalam comme ça en claquant des doigts? Abadan. Ils ont sacrifié comme personne n'a sacrifié. Radiyallahu anhum wa ardahum al-jaza'u min jinsi al-amal. Si tu veux, ya Abdallah, il faut travailler. Wa an laysa lil insana illa ma sa'a. Comme قال سبحانه وتعالى dans le sens, l'être humain ne récoltera que les fruits de ses efforts. C'est comme ça. L'être humain ne récoltera que les fruits de ses efforts. Tu as travaillé, tu vas récolter. Tu as travaillé un peu, tu récolteras un peu. Tu as travaillé beaucoup, tu récolteras beaucoup. Tu as sacrifié énormément, tu récolteras énormément. Jaza'an wifaqa, comme قال سبحانه وتعالى. Une récompense équivalente. Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran al-Karim. Jaza'an wifaqa. Une récompense équivalente. Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran al-Karim. Allah a accueilli le repentir du prophète, des immigrés, al-Ansar, des auxiliaires, qui l'ont suivi au moment difficile. Ghazwatu Tabuk, parmi les moments difficiles. Au moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux, écoutez bien, après que le cœur d'un groupe ou les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Subhanallah, tellement que c'était difficile. Tellement que c'était difficile, Allah Azza wa Jalla, après que quoi? Les cœurs de certains d'entre eux ont failli de dévier. Ils ont pas dévié, mais ils ont failli dévier, subhanallah. Et là, on l'appelle aussi, Ghazwatul Fada'ih, comme قال العلماء. C'est la ghazwa aussi qu'on appelle la ghazwa ici qui a scandalisé. Qui a scandalisé qui? On va voir bi'idnillah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux ont été au point de dévier, puis Allah subhanahu wa ta'ala, certes sa miséricorde dépasse sa colère, puis il accueille leur repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Ghazwatul Fada'ih. Les cœurs ont failli dévier, Allah Azza wa Jalla de par sa miséricorde, khlas. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik, kama kana yaqulu alayhi salatu wassalam. C'est pour ça on se doit de dire toujours ça. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. Wa ala ta'atik. Ici le prophète disait, oh, toi qui tournes les cœurs, laisse mon cœur dans la religion. Allah Azza wa Jalla rappelle qu'il y a des cœurs qui ont failli dévier, mais sa miséricorde dépasse sa colère. Allah Azza wa Jal, c'est lui qui accepte le repentir et il est compatissant et miséricordieux à leur égard comme il l'a été à leur égard, il est à leur égard, il est à ton égard aussi, ya Abdallah. Et par contre, il y a des cœurs qui ont dévié. Ghazwatul Fada'ih. L'expédition ici où Allah Azza wa Jal a scandalisé. Car Allah Azza wa Jal scandalise ou pas? Il scandalise les gens qui parlent au nom bi ismi din, comme on le dit souvent. بأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبفهم السلف الأمة. Et ici, on prend pas, on suit pas les passions, les plaisirs quand on parle. Vous verrez que les paroles que je dis, wala nuzakki ala Allahi ahada, sont conformes au Coran et à la Sunna avec la compréhension des ancêtres pieux. Ici, Allah Azza wa Jalla scandalise surtout les gens qui parlent au nom de la religion, qui agissent soi-disant au nom de la religion, alors qu'ils font le contraire de ce que Allah Azza wa Jalla a dit, le prophète alayhi salatu wa salam a dit. Et ça c'est malheureux, comme قال سبحانه وتعالى, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. Voulez-vous que je vous indique quels sont les plus grands perdants en œuvre? الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا, ceux dont leur œuvre s'est égarée dans la vie d'ici-bas. C'est les plus grands perdants en œuvre. Leurs œuvres se sont égarées dans la vie d'ici-bas. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Alors qu'ils pensent faire le bien. مسكين. Il travaille, il fait des efforts, même au nom de la religion. Il fait des efforts, etc. وَلَكِنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ. Ces efforts ne sont pas conformes à quoi? La législation. قَالَ اللَّهُ وَقَالَ الرَّسُولُ بِفَهْمِ سَلَفِ الْأُمَّةِ. Tu agis en suivant tes passions et tu n'agis pas en suivant la vérité. Tu n'acceptes pas la vérité et tu suis tes passions. Allah Azza wa Jalla dit les plus grands perdants en œuvre. C'est les plus grands pourquoi? Parce que le miskin, le pauvre, il travaille, il œuvre, il prie, il fait da'wah. Lakin, ses œuvres se sont égarées. Comme قال العلماء, et parmi eux bien sûr, les exégètes du Coran, ce sont ceux qui ont fait des œuvres qui ne sont pas conformes à la législation. Ils ne sont pas conformes à la législation. Ou bien, ce sont ceux qui ont fait des œuvres avec une mauvaise intention. Ils ont œuvré. Et Allah Azza wa Jalla dit quoi? وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ الصُّنْعَ. Et ils pensent faire le bien. Alors qu'ils pensent faire le bien. Donc, ya Abdallah, ittaqi Allah. Allah, il te le dit dans le Coran. Ne perds pas ton temps. Ici, œuvre, mais suis toujours le Coran et la Sunna bi fahmi salafi al-umma. Sinon, wallahi, tu seras parmi des gens. Si Allah l'a cité ça, ne te dis pas à côté, oui, mais c'est dur. Comment ça, tu dis qu'un frère, il parle de la religion, etc., il est égaré. Mais ya Abdallah, c'est celui qui t'a créé qui l'a dit. Il dit, il y a des gens qui vont œuvrer. Et c'est bien plus que, c'est pire, c'est les plus grands perdants en œuvre. Ceux qui croient leurs œuvres se sont égarés ici-bas, alors qu'ils pensent faire le bien. Ce n'est pas une preuve, une hujja qui dit, Allah a dit, le prophète a dit. Ou bien qu'il y a une barbe, mashallah, une grande barbe ou un qamis. C'est pas une hujja, un argument qui prouve que quoi? C'est une personne vouée au paradis. Certes, on juge les actions, on juge pas les intentions. Mais on juge toutes les actions. La barbe, ça fait partie des actions. Voilà qu'il le comportement, le prophète alayhi salam a dit, j'ai été certes envoyé pour parfaire les bonnes manières. On regarde le comportement, la moralité, les caractères du prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et on regarde pas que là, que l'apparence est Abdallah. Et ici, ça nous rappelle que quoi? On doit faire très attention de ne pas œuvrer dans, excusez-moi du terme, mais dans le vent. On revient un peu ici à ces comportements. Ces gens-là qui ont œuvré certes, les hypocrites, qui ont œuvré et qui étaient à côté du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont œuvré avec une mauvaise intention. Toutes leurs actions, bien sûr, sont parties dans quoi? وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Ils pensent faire le bien. Ils sont partis dans le vent. Et ceux-là, ils ont voulu, après s'être égarés les gens, comme on va le voir, بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ. La cause de cette razwa. Quelle est la cause de cette razwa? Ils étaient les croyants à peu près 30 000. Les croyants étaient à peu près 30 000. Et ces croyants-là sont sortis après que quoi? Après que l'Empire byzantin est appris que les musulmans se sont renforcés dans leur religion. Ils prenaient de plus en plus d'ampleur. Ici, ils n'ont pas apprécié ça. Et ils ont dit, entre guillemets, la meilleure défense, c'est l'attaque. Sinon, on n'attaque pas aujourd'hui. Ils vont venir même chez nous. Et c'était le grand empire byzantin ici. Ils se sont dit, sinon on les attaque pas, ils vont venir chez nous. Et c'était l'empire qui était réputé pour être l'empire le plus fort, l'empire byzantin. Il y avait bien sûr avec eux les chrétiens. C'était des chrétiens. Et ici l'empire byzantin a voulu attaquer Médine. Le prophète alayhi salatu wassalam a appris que ceux-là voulaient attaquer Médine. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, il a anticipé. Et il a réuni ici une armée de combattants, beaucoup de compagnons. Et il est rapporté qu'il y avait même ici avec eux des personnes qui étaient jeunes, il y avait des personnes âgées, il y avait du monde avec eux jusqu'à ce qu'ils ont atteint à peu près 30 000. 30 000 qui sont sortis. Et quand ils sont sortis, il s'est passé, ou plutôt lors simplement des préparatifs, il s'est passé plusieurs choses. Des comportements ici étonnants. Awalan, il y avait d'un côté les hypocrites, et de l'autre côté, il y avait les croyants. Parmi les croyants, il y avait des pauvres. Parmi les croyants, il y avait des pauvres, mais il y avait des croyants qui ont resté fermes, ou qui sont restés fermes, mais qui, Allah l'a dit, il y a des cœurs qui ont failli dévier. Mais Allah Azza wa Jalla, de par sa miséricorde, alhamdulillah, il les a raffermis. وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et patience. Pas de patience, si ce n'est que par la permission. Qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ الْإِسْتِعَانَ. Demande toujours ici l'aide d'Allah Azza wa Jalla et Abdullah. Ici, ils sont restés fermes. Et ici, quand ils sont restés fermes, ils sont restés avec le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont soutenu le prophète alayhi salatu wassalam, il y a des gens dont leur cœur a dévié et qui sont partis à l'excès dans leur égarement, et ceux-là font partie des hypocrites. Et quand ils sont partis, comme on le verra, quand ils sont sortis, mais ça on verra plus tard, il est rapporté, vous allez voir, on va rapporter ça dans les détails par la suite, inshallah ta'ala, que à Médine sont restés simplement ceux qui avaient ahlul a'dhar, ceux qui avaient des excuses, et les hypocrites, c'est tout. Sauf on va parler de trois personnes par la suite, inshallah ta'ala. Lakin, c'était ceux-là qui restaient. Donc on voit qu'il y a ce qu'on appelle le filtre. Khalas, il y avait le filtre. Ici, il y avait des hypocrites qui étaient restés à Médine, ou bien les gens qui avaient des excuses, personnes très très âgées, des femmes qui pouvaient pas combattre, etc. Donc ici, il y avait les hypocrites qui sont restés. Ils ont trouvé maintes excuses. Écoutez bien, maintes excuses. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam a vu que c'était des hypocrites. Allah les a scandalisés, le prophète alayhi salatu wassalam les ont scandalisés. Et alors qu'il y avait les hypocrites qui trouvaient 100 excuses ou 1000 excuses pour pas participer, il y avait les pauvres, al-fuqara, qui sont venus voir le prophète alayhi salatu wassalam. Ils voulaient participer à Ghazwat al-Tabuk. Regardez les sahaba, min al-mu'minina al-rijal sadaqu ma ahadu Allah alayhi. Fa minhum man qada nahbah wa minhum man yantadhir. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Parmi les croyants, il y a des hommes. Ils ont quoi? Ils ont changé en rien leur comportement. Ils sont restés fermes, croyants. C'est ce qu'on veut. Des gens qui sont fermes comme des montagnes dans leurs convictions religieuses. C'est pas que dès qu'il y a une personne qui vient qui lui dit, « Akhil Habib, tu écoutes un tel, mais regarde ce qu'a dit tel savant, khlas, une plume. » C'est comme si un vent passait, khlas, il part à gauche. Après un autre, « Écoute, tu vois ce qu'il a dit un tel ?» Mais il y a une mise en garde contre un tel. Et une plume, quelqu'un va dire, « Oh mon frère, tu parles du djihad et maintenant tu parles de da'wa. » Est-ce que le da'watu ilallah azawajal, ce n'est pas un djihad ? C'est un djihad ou pas ? C'est un combat à da'wa, transmettre la religion, c'est un djihad. C'est un djihad ou pas ? Na'am ! Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, ici de combattre, ici quand il a parlé de da'watu ilallah, il a utilisé le terme de combat, avec la langue, c'est pas que les armes, c'est avec la langue. Combat ici, combattre ceux qui s'opposent à la religion, etc. Ici, avec quoi ? Avec la langue, avec ton argent, mais il parle aussi avec ta langue. Et ça, c'est une preuve que da'watu ilallah subhanahu wa ta'ala est un jihad. Jusqu'à ce que certains savants ont dit que le plus grand des jihad, c'est le jihad avec la langue. Pourquoi? Parce que le da'i, le prêcheur, l'imam, le savant, il combat qui? Le plus grand ennemi, shaytan. Adouwul lakum. Allah azza wa jalla dit, c'est un ennemi pour vous. C'est le plus grand ennemi, il combat qui? Shaytan et Abdallah. Donc c'est un combat. Donc regarde et réfléchis bien ici. Kama qala al-ulama. Et ça, c'est les gens de science qui disent ça, ya ibadallah, qu'ils comparent ce jihad au ad-da'watu ilallah. D'accord? Nous, est-ce qu'on va dire, on est en France, comme certains égarés, on est en Espagne, on est en Europe, et ils sont en Afghanistan, on doit se faire exploser dans la guerre, a'udhu billah, ça on le dit ouvertement, clairement. Ici, avec toute fierté, ça n'a rien à voir avec la religion, et ça c'est un pur égarement, wal'iyadhu billah. Mais nous, notre combat, c'est quoi? C'est en montrant le meilleur des comportements aux musulmans et aux non-musulmans, même aux animaux, et en combattant ici avec quoi? Avec l'islam, en montrant la vraie face de la religion et montrer que la religion c'est quoi? Dinur rahma, la religion de miséricorde. Et on est fier de notre religion et on délaissera jamais nos convictions religieuses, mais on montre que ce qui fait partie de la religion, c'est qu'on cohabite avec les musulmans et les non-musulmans de la meilleure des façons. Wa hadha huwa al-haqq ya Abdallah. Et ça c'est la vérité. Lakin c'est un combat. Ad-da'watu ilallah, c'est un combat, c'est-à-dire tu as une énorme récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, réagis comme ceux qui ont combattu avec le prophète alayhi salatu wassalam quand tu es dans da'watu ilallah, et ne réagis pas comme les hypocrites qui ont été avec le prophète alayhi salatu wassalam quand tu te détends de da'watu ilallah. Tu vas mieux comprendre. Il y avait le fuqara, les pauvres. Ils étaient avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils sont venus voir le prophète. Non seulement alors que la situation était très difficile, ghazwatu al-usra, l'expédition de l'adversité, de la difficulté. Pourquoi? C'est l'expédition de la difficulté parmi les causes. Ils ont fait, à quel moment? C'est connu ça. À quel moment ils ont fait cette expédition? C'était, il faisait très chaud. Il fait toujours très chaud. En été. Est-ce que vous pensez que dans le Hijaz, en Arabie Saoudite, l'été c'est comme l'été ici? À Paris ou à Brest? L'été en Arabie Saoudite, tiens, Abdallah, va faire un tour l'été. Moi j'ai déjà été l'été. Et allez faire un tour l'été, vous allez voir la chaleur. Wallahi que quand tu te réveilles le matin ou tu sors de ta chambre d'hôtel, on croirait qu'on t'a mis un chalumeau devant la tête. Imaginez-vous, eux, ici, ils combattaient pendant le ramadan, ils combattaient pendant l'été, et ils ne trouvaient pas d'excuses, il fait chaud. Ou la ayyan, ou la khadamt lyoum, j'ai travaillé aujourd'hui. Et après, ça c'est juste pour s'allonger, mashallah, prendre un coussin, mashallah. Et ici, écoutez la science, très difficile, lourd. Lakin, eux, c'était quoi? Il fallait sortir dans le soleil. Il fallait sous le soleil, sous un soleil de plomb, la chaleur très dure, très difficile. Et en plus de cela, c'était des pauvres. Parmi eux, le fuqara, ils sont venus voir, ils ont dit à Rasulallah, ils pleuraient. Subhanallah, ils pleuraient, les pauvres. Ils disent à Rasulallah, on veut participer au jihad, mais on n'a pas d'argent. Parce que le prophète, alayhi salatu wassalam, avait besoin d'argent pour le jihad. Ils n'avaient pas assez d'argent. Ici, pour armer les combattants, etc. Ils n'avaient pas assez de provisions, ils n'avaient pas assez de montures, etc. Ils n'avaient pas assez d'argent pour ici accepter tout le monde, pour pouvoir participer au djihad. Donc quand les fuqara, ils ont entendu ça, ils ont eu mal, jusqu'à ce qu'ils ont pleuré. Ça c'est l'ikhlas ou pas? Ça va être quoi si c'est pas l'ikhlas, ya ibadallah? Ils pleuraient. Maintenant si quelqu'un va lui dire, t'as vu Mohamed? Quoi? Il était en train de pleurer là-bas? Où ça? Là-bas, juste Mskin, il partait au travail, il pleurait. Je lui dis, pourquoi? Bah parce qu'il doit aller travailler, il va pas assister au cours. Allez, rigoler. Quelqu'un va dire, c'est une blague. Ça peut être qu'une blague pour nous. Eux, c'était pour risquer leur vie, c'est-à-dire ils pleuraient parce qu'ils disaient, nous, on veut combattre fi sabilillah, quitte à perdre notre vie. Ils pleuraient, ya ibadallah. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, on va citer les hadiths concernant leur situation. Regardez comment il les a apaisés par la suite. Tandis que d'autres à côté. Et à un moment, je voulais citer ici, le comportement des gens sincères et tout de suite après le comportement des hypocrites. Je préfère mélanger. Pour voir un peu ici, à chaque fois, la différence entre les croyants sincères, al-mu'min as-sadiq, al-khalis ici. celui qui est véridique et sincère envers son Seigneur, et ici al-munafiq, le menteur, l'hypocrite, wal-iyadu billah. Et ici pour apprendre aux gens et à nos frères et sœurs qui nous écoutent au jour d'aujourd'hui, de quoi? Attention, je ne dis pas que vous êtes des hypocrites si vous faites, ou si vous avez le même comportement que ces hypocrites-là, mais attention de les ressembler. Attention de ressembler à cela, et il est moment de, il est encore temps de se réveiller. Vaut mieux tard que jamais, ibadallah. On parle pas avec le hawa ici. On parle avec waqala Allah wa qala Rasul. Bifahmi salafi l'umma. Et c'est ça la beauté de la biographie du prophète alayhi salatu wasallam. Quand tu arrives à tirer les fruits, et c'est pas que quand tu lis un livre, ici, mécaniquement, comme si tu lisais une bande dessinée ou un roman ou je ne sais quoi. Non! C'est tirer les fruits, les morales, al-ibar, al-nasa'ih, ya Abdallah. Ici, les exhortations, de tirer les conseils, les morales, et de les mettre en application. Il pleurait. À côté, il y avait qui? Il y avait les hypocrites, qui était toujours en train d'essayer de trouver des excuses comme on va le voir inshallah ta'ala. Allah azza wa jalla a parlé des pauvres qui étaient sincères et il dit dans le Coran al-Karim, toujours dans sourate at-Tawbah, sourate le repentir. Donc toi si tu es excusé, alhamdoulillah, écoute ce qu'Allah azza wa jalla dit, pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture à qui tu as dit, je ne trouve pas de monture pour vous. Je ne trouve pas de monture pour vous. Sourate Tawbah verset 92. Ils retournèrent les yeux débordant de larmes. Allah, il parle d'eux. T'imagines? C'est pas le prophète, c'est Allah Azza wa Jalla, il parle d'eux et il les décrit. Ils retournèrent ici les yeux débordant de larmes. Ils pleuraient. Regardez l'ikhlas, subhanallah. Et après, on dit, on aime les compagnons, on parle jamais d'eux. Radiyallahu anhum wa ardahum. Ils retournèrent les yeux débordant de larmes, tristes de ne pas trouver de quoi dépenser. De ne pas trouver de quoi? De quoi dépenser? Il met sa main dans sa poche, il pleure. Ya Rabbi, j'ai même pas d'argent pour donner. La khouri met sa main dans sa poche, elle se noie dans les billets, il sort, il cherche pendant une heure les pièces. Tiens, il met 3 euros dans alors qu'il a 1000 euros de côté ou là, 500 euros dans sa poche. Quand Dieu, le prophète Assam, il a dit, ittaqun nar walau bishaqit tamra, ya Abdallah. Craignez l'enfer ne serait-ce qu'avec un morceau de date. Subhanallah. Ça y est, tu prends un hadith, tu l'expliques comme tu veux et tu délaisses. Et c'est tous les hadiths qui te rappellent que les compagnons ont tout sacrifié fi sabilillah azza wa jalla, même tout leur argent comme Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, comme il l'a fait Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda dans cette expédition. Naam, Abu Bakr, il a dit quoi? Ya Rasulallah, moi je donne tous mes biens, alors que Omar avait donné la moitié de ses biens. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit quand il a dit je donne tous mes biens? Le prophète lui a dit, qu'est-ce que t'as laissé à ta famille? Il a dit quoi? Allah wa Rasul, Allah et son messager, tout. Ah, ce hadith tu le mets de côté, khlas, ça sert pas après celui-là. Ça, c'est pour monter l'iman aux gens quand je fais da'wah. Non, mais pour moi, attaqullah, wala bishaq al-tamra, wala bid-du'a, ya akhi du'a. Subhanallah. Jusqu'à ce qu'on arrive à un stade, quand on fait ici des annonces pour des récoltes, wallah, on est obligé de mettre 4 tonnes de pommade. Mais je mets toujours souvent de la pommade. Hâte pour après balancer le haq. Parce que maintenant, on a du mal à accepter le haq. Vous êtes bien, la meilleure communauté, masha'Allah. Vous êtes les meilleurs, fikum al-khair, alhamdulillah. Inch'Allah, antum min ahli al-jannah. Après, celui qui peut donner même 1 euro, machallah. On est comme ça, parce qu'après on dit oui, il nous pousse. Alors si on disait, subhanallah, où vous êtes par rapport aux compagnons, ils ont tout donné. Et on parle, je prends que la partie de ces hadiths qui montrent la motivation des compagnons. Les gens vont dire, ada wahad, on a entendu wahad majnoun, ala al-mimbar. Yani, il a dit, donnez tout ce que vous avez, même tout, et laisse tes enfants pauvres. Subhanallah. Donc ici on est obligé de s'adapter à la kulli hal, walakin hadha huwa al-haq. Et ça, c'est la vérité. Lakin, ici, regardez, il voulait donner, mais il ne trouvait pas donner. De l'argent pour pouvoir équiper. Ici, s'équiper pour participer, même avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ici, Allah Azza wa Jalla dit de combattre avec quoi? Avec ses biens. Et ces personnes, ils ont pris les biens et les personnes pour combattre. Ils voulaient, ici, utiliser les biens et leurs personnes, mais ils n'ont pas eu les capacités. Et il est rapporté dans Sahih al-Tirmidhi que Uthman, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, Uthman ibn Affan, j'ai dit qui tout à l'heure a donné tous ses biens, Uthman ou Abu Bakr? Abu Bakr, je ne me suis pas trompé, alhamdoulilah. Uthman ibn Affan a donné 100 dinars ou 1000 dinars à Fouan pour l'armée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le sens, ça c'est dans Sahih al-Tirmidhi. Ici, authentifié par Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, il a donné 1000 dinars. Le prophète alayhi salam a dit, tiens, regardez les compagnons, on voit qui? Omar, on voit Uthman, on voit Abu Bakr radiallahu anhu arda, Ali. Ali, il a eu sa place aussi. Ali, c'est lui qui est resté, comme on verra dans la suite. Le prophète, il l'a élu ici gouverneur à Médine, il a eu mal. Comment ça? Moi, je vais pas participer avec vous. Et vous verrez, inshallah ta'ala, on laisse ici tous ces fruits par la suite pour donner quelques petits fruits au fur et à mesure, inshallah, les paroles que le prophète alayhi sallam lui a dit et l'éloge que le prophète a fait à qui? Ali ibn Abi Talib. On voit les grands compagnons à leur tête, Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. C'est eux à la tête des compagnons sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Regardez comment ils ont réagi. Minhum, Uthman ibn Affan, il a donné 1000 dinars. Et le prophète alayhi sallam, il a dit dans le sens, il dit les erreurs que pourra faire Uthman. Ici, ma darra Uthman, ici, tout ce que Uthman pourra faire après ce jour-là, ici lui seront pardonnés. Lui seront pardonnés. Pourquoi ? Cette action qui a été agréée, acceptée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après avoir fait cette action, ici le prophète alayhi salam a dit ces paroles à Uthman ibn Affan. Ça te rappelle, ya Abdallah, que quelquefois, wahad l'insan, il fait quoi ? Une action. Une action. Wallah, et tu te dis, peut-être que je ne sais même pas si elle va être acceptée, tellement qu'elle a été sincère. Et elle a été accomplie dans un moment où on avait vraiment besoin de toi, surtout dans ces moments-là. Quand tu vois que ici les gens sont dans une situation très délicate, où la communauté a vraiment besoin des musulmans ou de l'argent des musulmans et qu'on trouve vraiment rien, et que là, à ce moment-là, dans ces situations où ici, c'est toi qui portes une ouverture ou qui est la cause d'une ouverture favorable pour les croyants, sache que bi'idnillah azza wa jal, si Allah accepte cette action et si tu l'as fait sincèrement, elle pourra être même une cause de ton entrée au paradis. Wallahu a'lam. Uthman ibn Affan, alors qu'ils avaient besoin énormément d'argent, il a donné, regardez, cette grande somme. Ça a été la cause que le prophète alayhi sallam il a dit, après cette journée, rien ne pourra nuire à Uthman ibn Affan, ce qu'il fera sera pardonné. Radiyallahu anhu wa arda min al-mu'minin rijal. Parmi les croyants, il y a certes des hommes. Et les pauvres, ici, il est rapporté qu'ils dépensaient même ce qu'ils avaient. Al-fuqara. C'était des pauvres, ils avaient rien. Voilà, qu'est-ce qu'il faisait ? Marra, il donnait ce qu'il avait, il trouvait des petits, un peu d'argent, des provisions, il donnait malgré ça, alors qu'ils n'avaient pas, ils pleuraient parce qu'ils n'avaient pas, ils donnent quand même. Comme قال سبحانه وتعالى وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. Allah Azza wa Jalla dit quoi ? Il parle de quoi ? Le paradis qui est aussi vaste que l'espace ou que les cieux et la terre, ici il est préparé pour qui ? U'iddat lil muttaqin, les pieux. Qui sont ces pieux ? Alladhina yunfiquna fi sarra wa dharra, ceux qui dépensent dans quoi ? Dans la facilité, dans l'aisance, comme dans la difficulté. Ah, regardez. Alladhina yunfiquna fi sarra wa dharra wal kadhimin al ghayz, qui refoulent leur colère. والعافين عن الناس, qui pardonne aux gens. والله يحب المحسنين, et Allah aime certes les bienfaisants. Ceux-là sont les pieux, ceux-là sont les bienfaisants. Ce qui quoi, il commence par quoi Allah subhanahu wa ta'ala, الذين ينفقون في السراء والضراء, qu'ils dépensent dans les instants, et ça c'est une épreuve. Allah dit, on va vous éprouver par le par le mal et le bien, à titre de tentation. Allah azza wa jalla va t'éprouver avec le mal, des épreuves. T'as pas d'argent, c'est une épreuve. Et quand tu es riche, c'est une épreuve et encore plus dure. Pourquoi ? Parce que quand tu es riche et tu es dans le confort, tu as tendance à oublier Allah azza wa jalla. Tu es bien. Mais quand tu es pauvre, ya Allah, tire-moi juste cette fièvre. Ça y est, après, là, je me repens. Ya Allah, tire-moi cette monseba. Wallah, et j'arrête tout après. Masha'Allah, je me repens. Et dès que, khlas, l'épreuve est partie, al-insan, l'être humain a certes été créé faible, il oublie et il tourne le dos. Et quand tu es dans l'aisance, tu n'as même pas le déclic quelquefois de remercier Allah Azza wa Jal. Et ici Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour ça qu'il dit, ce qui dépense dans l'aisance quant à, sois reconnaissant envers celui qui t'a donné cet argent là car demain il peut te l'enlever, ya Abdallah. Sois reconnaissant envers celui qui t'a donné cette santé car demain il peut te l'enlever, ya Abdallah. Et pareil pour toi, ya Urtil Karima, ici c'est la même chose. Dans la difficulté, t'as pas, walakin tu fais des efforts. Et à ce moment là si t'as que 50 euros de côté, Abdallah, et tu donnes 30 euros, sache que tu es sûrement meilleur que celui qui a 10 000 euros de côté et qui donne 1000 euros. C'est clair. On regarde ici, est-ce que c'est proportionnel? C'est pas proportionnel. Donc on voit que le premier, il a fait plus d'efforts. Et c'était plus dur pour lui de donner. Fis-sarra et wad-darra, ils sont encadrés par le terme. Ici, u'iddat lil-muttaqin. Et Allah Azza wa Jalla parle d'eux et il dit, ce sont eux qui? Les bienfaisants. Radiyallahu anhum wa ardahum. Et c'est qui? Al-fuqara, les pauvres, qui étaient avec le prophète, alayhi afdalu salati wa askat taslim. Et les hypocrites, qu'est-ce qu'ils faisaient? Pendant qu'ils voyaient le fuqara en train de donner, alors qu'ils n'avaient rien, ils ont commencé à rire et à accuser. Pourquoi? Parce que les hypocrites sont jamais contents, wal'iyadhu billah. Comme des gens à notre époque, ils sont jamais contents. Muslim, yusalli wa yuzakki, wa rubbama dhahaba ila al-hajj, wa yusalli ma'aka, yadhab ila al-masjid, wa rubbama huwa mas'oul fil masjid. Peut-être, il fait plein de bonnes actions. Est-ce qu'on voit ça au jour d'aujourd'hui? Il est jamais content. Il est jamais content. C'est-à-dire des musulmans, ils sont jamais contents de toi. Quand tu t'investis dans la religion, ceux-là, ils exagèrent. C'est de l'extrémisme. Quand tu t'éloignes de la religion, oh, wal'iyadhu billah. Shifti, wal'tflan. Miskillah, yahfad, akhoya. T'as pas vu? Quelqu'un qui a bu le sharab, il était là-bas en train de boire, il était, yani, Allah, yahfad, ou safi. Jamais content. Quand t'es dans le haram, il est pas content. Quand t'es dans la religion, il est pas content. Même si t'es dans la religion, quand tu fais une chose, il est pas content. Quand tu fais une autre, il est pas content. Il trouve toujours à critiquer. Comme il faisait qui? Ça rentre dans sifat al-munafiqin wal-iyadhu billah. Ça c'est les critères, ou plutôt on va dire, non, c'est ressembler aux hypocrites. Ce n'est pas que tu es un hypocrite, tu ressembles aux hypocrites. Ils ont vu les pauvres donner. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire? À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont trouvé à dire? Ils ont ri d'eux. Je dis, regardez qu'est-ce qu'ils donnent ces pauvres. Ils donnent un peu d'argent, ils n'ont pas honte. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent-là? Et ils riaient des pauvres. Maintenant, les riches. Tais-toi alors, Abdallah, regarde qu'est-ce qu'ils font les riches. Al-Aghniya, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'ils disaient? À votre avis? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ça, c'est des gens qui sont l'ostentation. Al-Riya, regardez cela, pour qu'ils se prennent. Zama, ils donnent. Ils sont en train de donner comme ça, beaucoup et tout, etc. Pour qu'on dise ce sont des gens riches. Regardez l'ostentation, regardez cela, ils se prétendent être sincères. Regardez les pauvres, ils les dénigrent parce qu'ils donnent que peu d'argent. Et les riches, qu'est-ce qu'ils disent? Ceux-là, ce sont des gens qui font ça pour les gens. Alors que, est-ce que c'est autorisé de donner quelquefois pour les gens? De plus, afouane. Pour Allah, lillah. D'accord? Ici, on se repent pour Allah, on donne pour Allah. Man a'ta lillah, wa mana'a lillah, wa ahabba lillah, wa abrada lillah, faqad istakmala al-iman kama ja'a fi sahih. Celui qui donne pour Allah, qui retient pour Allah, qui aime pour Allah, qui déteste pour Allah, et ici il a certes complété sa foi. C'est pour Allah. Walakin cela, si toi tu donnes pour Allah, est-ce que donner devant les gens, ici c'est autorisé, quelquefois c'est autorisé, c'est fortement recommandé. Pourquoi? Yaqulu alayhi salatu wa salam. Wal hadith rawahu al-imam muslim ad-dalu ala al-khayr kafa'ili. Celui qui montre ici la voie de l'khayr, du bien, c'est comme celui qui l'avait fait. Prochaine fois, beaucoup plus de café. Inch'Allah. C'est normal, il est tard. C'est comme celui qui l'avait fait. Donc si toi, tu montres une action, par exemple, tu veux motiver les gens, tu sais. Et comment tu veux, quand j'ai fait le serment sur ne te fatigue pas si tu n'es pas sincère, qu'est-ce que j'avais dit? Parmi les causes pour savoir si tu étais sincère, c'est de quoi? C'est de te poser la question, est-ce que je suis sincère ou pas? Déjà, si tu te poses, c'est un signe que tu es sincère. Deuxièmement, c'est de faire des actions que tu fais ouvertement, de les faire aussi de façon secrète. Si toi, tu te poses la question, tu dis, wallah, j'ai envie de donner fils à Billah, je préfère les donner fils à... Mais tu sais que tu te poses la question déjà. Khlas, déjà, c'est que tu es sincère. Mais tu sais qu'il y a un bien. Alors tu peux, il n'y a rien qui t'empêche. Tu dis, wallah, je peux les donner. Mais je sais que si je les donne devant les gens, ça va motiver certains frères, ça va motiver les gens. Fais-le. Ad-dalu ala al-khayr kafa'ili. والدليل من كتاب الله عز وجل الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند الله أو عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يرزقون نعم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نعم كذا وهم لا يحزنون بارك الله فيك. Ici Allah عز وجل dit الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار, ceux qui dépensent de leur argent, regardez, بالليل والنهار, de nuit comme de jour, sirran wa alaniya, c'est-à-dire de façon discrète, secrète, wa alaniya et ouvertement. Ah, pas dire tu vas utiliser que quelques hadiths, il faut donner la meilleure des aumônes, c'est celle qui est faite avec la main droite de sorte que la main gauche ne sait pas la quantité qu'il y a dans la main droite. Ça, certes, mais il y a des situations où non, tu sais que tu pouvais le faire discrètement, mais tu sais que toi, tu vas motiver les gens et toute personne que tu auras motivée. Toi, tu as motivé les gens, c'est-à-dire si tu ne l'aurais pas donné ouvertement, et si lui, il n'aurait pas donné 1000 euros, sache que les 1000 euros qui vont être donnés, même si 10 000 euros vont être donnés, toi, tu as la même récompense que celui qui a donné. Ad-dalu ala al-khayr kafa'ili. Celui qui montre la voie du bien, c'est comme s'il l'avait fait, comme qu'a dit Al-Aïssoum fi Sahih Muslim. Allah Azza wa Jalla dit, ceux qui dépensent de nuit comme de jour, de façon secrète comme de façon ouverte, leur salaire incombe à Allah Azza wa Jalla. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Il n'y a aucune crainte pour eux, ils ne seront point attristés. كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ يَرْحَمُكَ اللَّهِ. Donc ici, on voit que quoi? Il y avait un bien, donc ils ont donné. Donc est-ce que c'était justifiable? Ici, leur raillerie, etc. Abadan, c'était pas du tout justifiable. Et ici, il n'y a rien qui les a empêchés de faire le bien. Il n'y a rien, aucune chose les a empêchés de faire le bien. As-Sahaba, on avait vu, et comme on va le voir par la suite, il faisait très chaud. C'était pendant l'été. Ils n'avaient pas d'argent. Est-ce qu'ils ont eu des excuses? Ils n'ont pas eu d'excuses. Ou plutôt, pas, je rectifie ma parole. Est-ce qu'ils ont donné des excuses? Et ils se sont arrêtés à leurs excuses? Pas du tout. Est-ce qu'ils ont dit à Rasulallah, on n'a pas Allah ghalib nous? Khalas, salam alaykoum, la ya'ounkoum. Inch'Allah, on va faire dua pour vous. La ya'ounkoum, hein. Ils ont dit ça. Ils ont pleuré. Sincérité, l'ikhlas. Ils ont fait les causes, ils ont été chercher de l'argent, ils ont quand même donné ce qu'ils pouvaient. Et ils ont fait beaucoup de choses pour montrer qu'ils étaient sincères. Et ça, c'est les croyants véridiques. Rien ne les arrête. Et ici, ils ne trouvent pas de fausses excuses. Et même quand ils ont des excuses, quand ils veulent faire le bien, ils ne s'arrêtent pas là. Ils ne s'arrêtent pas là, comme on va le voir par la suite, bi-idhnillahi azza wa jal. Ici, concernant les hypocrites. On repasse aux hypocrites. Là, on voit les croyants, on voit les hypocrites. Les croyants, les hypocrites. Les croyants, les hypocrites. Là, les hypocrites. Allah azza wa jal dit dans le Coran al-Karim, فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. Voilà comment ils ont réagi, les hypocrites. Ils inventaient des excuses alors que les autres auraient pu les dire. Et c'est toujours ça. C'est toujours ça le comportement des gens malades et des gens qui ressemblent aux hypocrites. Ils trouvent toujours des fausses excuses. Bien qu'en soi-même, on va dire, c'est peut-être une excuse, mais c'est une fausse excuse quand tu pousses trop loin, ou plutôt quand tu pousses loin. Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran al-Karim, ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux. Alhamdulillah, moi j'ai pas participé. Et akhi al-Habib, tout à l'heure je pourrais pas venir au cours. Smah liya, j'ai quelque chose à faire chez moi. Wallah al-Adim, Allah ghalib. Il va chez lui, ah il fera, ah j'ai pas assisté au cours. Alhamdulillah. En fin de compte, qu'est-ce que j'avais à faire? Ouais, je vais faire ça juste pour pas mentir. Hop, khalas, j'ai pas menti, alhamdulillah. Masha'Allah. Là, on est dans le jihad ou pas? C'est le même combat? Je déplace les choses de leur place ou pas? Ou je mets des choses qui ne font pas partie, ou alors qui ne sont pas dans leur place ou pas? C'est le même contexte ou pas? C'est le même contexte. Ici, regardez Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ceux qui ont été laissés à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam. Ils ont répugné à lutter par leur bien et leur personne dans le sentier d'Allah Azza wa Jalla. Et on dit, écoutez bien, c'est ça les gens les plus malades. Non seulement il est égaré, mais il pousse les gens à s'égarer. Ya Abdallah, si tu t'égares, tape ta tête contre le mur. Jette-toi en enfer tout seul si tu veux. Dabbar rasak ya Abdallah, laisse les gens tranquilles. Ne mets pas ton cas dans une situation encore plus difficile que dans la situation dans laquelle elle est. Laisse les gens tranquilles, Abdallah. Des gens, ils vont voir. À titre d'exemple, ils sont pas d'accord avec une personne dans un cours. Ils ont même pas de preuves religieuses, de sciences et autres. Et ils vont voir les gens. Va pas dans voir un tel, va pas écouter un tel. Il a même pas d'ilm, skin. Il a entendu comme des perroquets. Ils sont pas d'ilm la plupart de ces gens-là. Ça, quand il y a vraiment un égarement évident, clair, mubtadi', dal, égaré ouvertement, etc. On met en garde, c'est clair, c'est normal. Mais quand ici, simplement, il me plaît pas trop parce que j'ai un peu de jalousie. Au fond, il veut pas dire clairement, j'ai de la jalousie. Donc il a fait 1000 heures de recherche pour une petite mise en garde fondée sur al-hawa, le vent et le batata et ce que tu veux. Ici, il prend, il dit, regarde, il y a une mise en garde contre un tel. Ya Abdallah, va t'égarer toi. Si toi, alhamdoulilah, t'as le stade des savants, va apprendre la religion à Cheikh Fawzan en Arabie Saoudite. Et tu vas étudier avec lui, faire da'wah avec lui. Laisse les gens, Msakin, qui veulent apprendre à faire le wudu, apprendre leur religion, etc. Masha'Allah. Non, les gens, ils sont égarés, ils égarent les gens. Ou alors même avec, yani simplement par avis personnel, c'est pas religieux, des avis personnels. J'ai un petit problème avec un tel, de dunya, j'ai eu un petit conflit avec un tel. J'ai vendu une voiture, j'ai acheté une voiture, je ne me suis pas mis d'accord. Khlas. C'est un petit conflit entre lui. Et fdah, le frère sur la surface de la planète. Celui-là, c'est un égaré, c'est un truc. Et il généralise, il mélange tout, la religion, c'est juste à cause d'une voiture. Alors que si lui, le frère, il lui avait arrangé dans cette voiture, khlas, ça aurait été, masha'Allah, sta'ali, masha'Allah, masha'Allah, un da'i, un ahlul khair, masha'Allah. Va chez lui, al baraka, y'a tout. Subhanallah. Quand toi, tu es égaré, ici, reste égaré tout seul si tu veux pas faire les causes pour qu'Allah Azza wa Jalla te guide. Laisse les gens tranquilles, ya Abdallah. Et que les gens ne se fassent pas avoir. Ne se fassent pas avoir. Ici, comme les gens diront dans, au jour de la résurrection, comme Allah Azza wa Jalla dans le Coran al-Karim, malheur à moi. Malheur à moi, pourquoi? Parce que j'ai pris un tel comme ami. Il m'a certes égaré. De quoi? Du rappel d'Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla parle de ceux-là qui se plaindront, malheur à moi. Certes, cette personne m'a égaré du rappel d'Allah Azza wa Jalla. Mais ça sera trop tard, ya Abdallah. Ça sera trop tard, ça c'était une ruse de shaitan. Wa inna shaitana kana lil insani khadula. Et shaitan, il déserte l'être humain, l'insan, après l'avoir quoi? Après l'avoir séduit. Après l'avoir détourné du sentier d'Allah Azza wa Jalla. Trop tard. Donc ici, réveille-toi avant qu'il soit trop tard. Et c'est pour ça que j'ai commencé ce cours très important en disant, mieux vaut tard que jamais. Je continue. Et ils ont dit, le feu, où ils ont dit, ne partez pas au combat. Pendant cette chaleur, dit, le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'il comprenait. Quelqu'un va dire, c'est normal, c'est l'été, ça, 50 degrés, tu prends les armes et tu vas, et écoutez bien, pendant la route, vous allez voir comment ils ont souffert, jusqu'à égorger des chameaux, pour ici récolter, comme il est relaté dans Sahih, tous les liquides qu'ils pouvaient récolter des entrailles. ici et de l'intérieur du chameau pour pouvoir se désaltérer. Tellement qu'ils n'avaient rien à boire. Tellement qu'ils étaient prêts ici de succomber tellement qu'ils avaient soif. Ils étaient obligés d'égorger des chameaux pour pas manger, pour récolter tous les liquides qu'ils pouvaient pour boire. Subhanallah. Ici, c'était très difficile. Et avec ça, Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a dit oui, ça c'est vrai. Bon là, il fait chaud, c'est un peu compréhensible. Que là, t'assistes pas à des cours ou alors que t'apprennes pas le Coran l'été. Non, là, l'été c'est les vacances. Vous voyez, les vacances. L'été c'est les vacances. L'été c'est les vacances ou pas? C'est bientôt les vacances. Tout le monde s'est préparé pour les vacances. Combien de temps on se prépare pour les vacances en général? 1 an. C'est quoi les vacances? En islam, on a le droit d'avoir des vacances ou pas? On a le droit d'avoir des vacances. C'est-à-dire, c'est khlas. Dès que le 1er juillet arrive, si c'était vacances, khlas. Transmutation. Le short, le bermuda, les tongs, le boléro et je sais pas encore quoi encore, ou là le bonnet, la casquette si on veut, les lunettes, et khlas. Le Coran après, et tout, 1 mois, raha, après je reviens dans din qamisya. Ça, c'est pas les vacances chez les musulmans. Nous, il y a pas l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, il a été rapporté son fils, il dit, ya abati, quand tu vas te reposer? Quand tu vas, repose-toi un peu. C'est des gens qui lisaient jour et nuit, qui enseignaient la religion jour et nuit, qui transmettaient la religion de jour comme de nuit, qui ont marqué l'histoire islamique. Et ces grands savants, quand son fils, ou parmi ces grands savants, l'imam Ahmad, l'imam As-Sunna, quand il lui a dit, quand tu vas te reposer, ya abati, qu'est-ce qu'il a dit? Wallahi, je ne me reposerai que lorsque j'aurai pas un pied, les deux pieds au paradis. Il savait que le repos c'est dans le paradis. On n'a pas dit tu dois pas te reposer, pas prendre de vacances. Mais comment, quelle est la définition des vacances? Prendre un peu, faire un break. Ceux qui ont de la chance de faire un break ici, va le faire, Abdallah. Lakin, quand tu fais ton break, n'oublie pas ta religion. Prends avec toi ta religion. Ici, ne laisse pas ta religion dans ton armoire ou dans ta maison. C'est-à-dire, quand c'est l'heure de la prière, fais ta prière. Si tu peux faire da'wah, fais da'wah. Si tu peux lire le Coran al-Karim, lis le Coran al-Karim. Si tu peux apprendre ta religion, continue à apprendre ta religion. Surtout avec les moyens au jour d'aujourd'hui qu'on a. Tu es dans n'importe quelle partie du monde. Wala nuzaki Allah yahada, comme nous, par exemple, via Internet. Wallah, n'importe quel moment, tu suis en direct le cours. Donc ici, ne délaisse pas ta religion, mais à côté, fais un break. C'est-à-dire, tu travailles pas, tu prends du bon temps un peu, ici, tant que tu dépasses pas les limites, ici, qui sont imposées par la législation, par Allah et son messager, alhamdoulilah, ici, fais un break, y a pas de mal. Mais ça ne veut pas dire que ici, tu délaisses même ta religion quand tu pars en vacances, wal'iyadu billah. Bon, khlas, les frères, je pars 1 mois, et pendant 1 mois, il suit plus de cours. Pendant 1 mois, il lit plus le Coran. Pendant 1 mois, subhanallah, ça, c'est une des ruses de shaitan. Qui va te dire, ya Abdallah, que tu vas pas mourir pendant ce mois? Et n'as-tu pas entendu la parole du prophète alayhi salatu wassalam kama fi sahih innama al-a'malu bi al-khawatim? Imagine-toi toute l'année tu œuvres, c'est les vacances, tu laisses ta religion, tu fais plus jamais salat al-subh à la mosquée à l'heure. Et tu meurs cette journée-là. Comment tu vas rencontrer ton Seigneur tabaraka wa ta'ala? Alors que le prophète dit innama al-a'malu bil khawatim, les actions ne valent que par leur fin. Ici tes dernières actions, ça sera quoi? Parce que la cause, t'étais excusé, soi-disant, c'était les vacances, il faisait chaud, et là on n'est pas dans le jihad, là on est le jihad, on est même plus dans le jihad avec la langue, on est juste simplement dans, garde ta religion un minimum, les obligatoires, al-fara'id. Ici, juste par cause ou par principe que tu étais en vacances, tu as tout délaissé. Et peut-être que tu vas mourir alors que tu seras dans le moment où tu as tout délaissé, Allah Azza wa Jalla va te scandaliser, wal-iyadu billah. Donc, taqillah, ya Abdallah, tu ne sais pas quand, comment et où tu vas mourir. Aïna ma takounu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim mushayyada. Où que vous soyez, la mort va vous saisir. Fût-ce que vous êtes, ou alors même si vous êtes sur des tours, dans le sens, ici, imprenable, comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran al-Karim. Tu ne sais pas où, comment et quand tu vas mourir. Prépare-toi tous les jours, de jour comme de nuit. On n'a pas dit on est tous des pieux, au moins je ne dis pas ça parce que moi je suis un pieux sans fausse modestie abadan. Mais un minimum, tes prières à l'heure, tu les gardes à l'heure. Ici, ad-da'wah, quand tu fais da'wah, tu la gardes. Quand tu, il y en a un minimum, tu es musulman. Si tu peux suivre des cours, tu suis, si tu peux lire, lis, garde ta religion et en profite au contraire. Pendant la période vide, regardez comment Shaitan joue avec nous. On se plaint toute l'année. Pourquoi, ya akhi, le habib, t'apprends pas ta religion? Lakin ayyan, ya akhi. Khaddam akhouya le matin à 8h. Et le soir, le maghrib, c'est à 10h. L'Isha, c'est à 11h. Je rentre chez moi, rani mayyit akhouya. Masha'Allah. Donc toute l'année, ikhlas, il peut pas. Parce qu'après, quand c'est trop tôt, c'est tôt le maghreb, il va dire, non, je peux pas. Akhoya, c'est à 6h le maghreb. Moi, je rentre du travail à 5h30. Le temps de wosh, je ftar, je mange. Là, c'est trop tard. Donc, en fin de compte, toute l'année, il peut pas. À cause de quoi, il a pas de temps. Et quand c'est les vacances, là, t'as du temps. Je peux pas, akhoya. Bah, c'est les vacances. Akhoya, toute l'année, j'ai travaillé. Et il fallait rentrer tard. Et bah, maintenant, c'est les vacances. Faut que je souffle. Subhanallah. Shaitan il joue avec nous ou pas? Shaitan il joue avec nous. Illa man rahim Allah, sauf celui à qui Allah Azza wa Jalla fait miséricorde. Ittaqullah ya ibad Allah, wa kama qala al-ulama, wa kama qala al-salaf. La première des choses que Shaitan veut faire, et aussi qu'il tente à faire, c'est quoi? C'est d'éloigner la personne de quoi? Al-ilm. Et quand la personne s'éloigne de l'ilm, il s'est éloigné de quoi? La lumière d'Allah Azza wa Jalla. Et quand il s'est éloigné de la lumière d'Allah Azza wa Jalla, il se retrouve dans quoi? Les ténèbres. Et quand il est dans les ténèbres, Shaitan fait de lui qu'est-ce qu'il veut. Shaitan fait de toi ce qu'il veut. Donc ici, accrochez-vous toujours à votre science. Quoi qu'il arrive, n'importe quel moment, et trouvez pas des fausses excuses. Ils ont dit quoi? Ne partez pas combattre. Pourquoi? La chaleur, la chaleur. Et Allah Azza wa Jalla a dit quoi? Quand ils ont dit « قَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرْ قُلْ نَارُ جَهَنَّمْ أَشَدُّ حَرَّ » Subhanallah, le feu de l'enfer, il est certes plus intense en chaleur, s'il comprenait. Ah, il y a une différence entre savoir, apprendre et comprendre ou pas? Il y a une différence entre apprendre et comprendre. Il y a des gens qui apprennent des tonnes et des tonnes de hadith, des tonnes et des tonnes de ayat, des tonnes et des tonnes de paroles de salaf, des tonnes et des tonnes de livres dans leur tête. Wallah, qu'ils n'ont pas compris le tiers de ce qu'ils ont appris. Différence entre comprendre et apprendre. Kama ja'a fi sahih, qala alayhi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fi din. Celui à qui Allah il veut du bien, il va lui donner al-fiqh, al-faqih. C'est quoi? Quand on dit al-faqih, al-faqih, fi al-lughati al-arabiyya, c'est celui qui a la bonne compréhension. Ici, il va lui donner la compréhension de la religion. Il va lui faire comprendre. C'est pas il va lui enseigner, il va lui faire comprendre. Parce que si tu apprends une chose et tu ne la comprends pas, ça n'a rien à voir avec celui qui l'a appris, il l'a compris. Si tu lis un verset coranique, tu apprends par cœur le verset coranique, est-ce que tu es comparable à celui qui l'a lu, qui l'a appris par cœur, mais qui a regardé son charh, et qui a regardé le tafsir du verset coranique, qui connaît l'explication, asbab al-nuzul s'il y en a, les causes et circonstances de descente de ce verset coranique. Rien à voir. Le deuxième, quand il va lire ce verset, il va lire avec khushu', humilité. Et ça va le pousser à quoi? La bonne compréhension, à l'appliquer. Tandis que le premier, il a lu et il a appris mécaniquement, mais il ne connaît pas ici l'explication. À quoi ça va lui servir? Certaines personnes, Allah, ils connaissent le Coran, le Karim Kamil. Si tu lui dis, vas-y, ta'ala, explique-moi et fais-moi le charh de surat al-Falaq. Il ne saura même pas te dire c'est quoi le Falaq. Et il y a d'autres qui connaissent le Coran, le Karim Kamil. Wallah, al-Adim, tu vas lui dire juste, ya akhi al-Habib, juste pourquoi tu ne fais pas ta prière à l'heure? Subhanallah, c'est pas obligatoire, il faut pas exagérer. Il connaît le Coran al-Karim Kamil. Est-ce que celui-là il est meilleur que l'autre? Ici qu'il connaît que quelques versets coraniques mais qui applique la religion? Bien sûr qu'il n'est pas comparable. Bien sûr que le deuxième il est préférable, bien que celui qui a appris le Coran al-Karim, il a énormément de récompenses auprès d'Allah. Et juste le fait qu'il a appris le Coran al-Karim, on lui doit énormément de respect. Et un grand, ici, on doit avoir un comportement exemplaire envers lui. Juste parce qu'il a appris le Coran, Allah lui a facilité d'apprendre le Coran al-Karim par cœur. Walakin, ça ne suffit pas d'apprendre, mais il faut comprendre et mettre en application. Omar ibn al-Khattab, il disait, on ne dépassait pas l'apprentissage de dix versets coraniques sans les apprendre, les comprendre et les mettre en application. Sans les apprendre, les comprendre et les mettre en application. Aisha radiyallahu anha wa ardaha kama fi sahih. Elle a été interrogée sur quoi? Concernant le khuluq an-nabi alayhi salatu wasallam, le comportement du prophète. Wa qalat Aisha kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, sa moralité, c'était quoi? Al-Qur'an, l'application, ils appliquaient. Quand toi on te dit akhi al-habib taqillah, crains Allah azza wa jalla, apprends ta religion, apprends, applique. Allah azza wa jalla parle de ceux qui s'accrochent à leur religion dans le Coran al-Karim. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ceux qui me craignent vraiment le plus parmi mes serviteurs, ce sont les savants. Il fait l'éloge aux savants. Applique. Ma sœur, éduque tes enfants dans l'islam et taqillah. Et n'attends pas qu'il y ait ton mari derrière toi pour craindre Allah Azza wa Jal wa al-iyadu billah. Dès qu'il n'est plus là, tu mets de la musique ou tu mets je ne sais quoi. Crains Allah, c'est pour toi. Allah Azza wa Jal, il rappelle dans le Coran al-Karim. Ici que c'est une lourde responsabilité. Ici que d'avoir des enfants et qu'on se doit de leur apprendre at-tawhid, al-aqidah, as-sahiha, la religion. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَى كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et l'être humain ne récoltera que le fruit de ses efforts, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran. Donc ce qu'on lit, on l'applique. Et c'est ça l'islam. Donc ici, trouvez pas des excuses, ya ibad Allah. Il faut pas se voiler la face. Et il faut faire un combat contre nous-mêmes. Et parmi les choses qui vont te motiver, c'est de connaître la vie des compagnons pour te dire, regarde comment on est loin. Nous, subhanallah, j'arrive pas à jihad mon nafs pour venir à la mosquée, écouter un cours, alors que c'est pour mon bien. Pendant une heure, je vais patienter. Peut-être cette heure va m'être bénéfique pour moi toute ma vie, pour la vie de ma femme, de mes enfants, de mes petits-enfants, alors que cette heure-là, j'ai fait quoi? J'ai fait que dire, qu'est-ce que le temps, ça passe vite, subhanallah, il est déjà l'Isha. Qu'est-ce que t'as appris? Et je ne passe même pas, je ne parle même pas des gens qui restent devant la télé et les choses qui sont ou qui font partie de des futilités. En bref, ceux qui riaient des pauvres, Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Ceux qui riaient des pauvres. On est toujours en train de parler de qui? Des hypocrites. Ils riaient des pauvres. Ils riaient des pauvres, ce qu'on a dit. Ad-Dalil, Allah Azzawajal dit dans le Coran al-Karim. Et il leur a répondu, on est toujours dans Surat al-Tawbah. Regardez, Allah Azzawajal n'envoie que des versets. Sur qui? Al-Munafiqin. Sur qui? Al-Mu'minin. Al-Sadiqin. Les vertueux, les véridiques, les croyants. Donc Allah Azzawajal parle de toute leur comportement. Wa ma kana rabbuka nasiya. Ton Seigneur, il n'oublie rien. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. N'oublie jamais ça. Celui qui fait le poids d'un atome de bien, Allah le verra. Le poids d'un atome de mal, Allah le verra. Toi, tu fais des choses, tu dis oui, mais sache qu'Allah, il te voit et que tout est noté et que ce que tu as fait, ça y est, tu l'as fait il y a 10 secondes. Là, c'est passé, c'est noté, c'est enregistré. Peut-être maintenant, dans 5 secondes plus tard, tu pourras pas les faire. Donc en profite, Abdallah, et ce que tu as fait, sache qu'Allah Azza wa Jalla le voit, et c'est enregistré, ça te sera profitable si tu as fait du bien, et ça ira à ton ou contre toi si tu as fait du mal. N'oublie jamais ça et réveille-toi. Il faut ici se réveiller un peu. Et ici, Allah Azza wa Jalla parle maintenant des hypocrites qui croyaient s'en tirer des versets coraniques qu'on récite, ou plutôt qu'on récitera jusqu'au jour de la résurrection. Vous imaginez un comportement. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم كما قال سبحانه وتعالى. Vous pensez que c'est insignifiant. Quelquefois on a des comportements, on croit que c'est rien. وهو عند الله عظيم. Et auprès d'Allah Azza wa Jalla, c'est immense. Une parole, un comportement qu'ils ont eu, regardez, Allah Azza wa Jalla les a cités dans le Coran al-Karim, et on récite leur comportement ici, on lit leur comportement et on lira leur comportement jusqu'au jour de la résurrection. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla dit: "Alladhina yalmizuna al-muttawwa'ina min al-mu'minina fi as-sadaqat walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allahu minhum wa lahum 'adhabun wa lahum 'adhabun alim." Dans sourate At-Tawbah, Allah dit dans le verset 79: "Ceux-là qui dirigent leur calomnie contre les croyants qui font des aumônes volontaires et contre tous ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille et ils auront un châtiment douloureux." Donc retiens ta langue à Abdallah. Abdallah ibn Mas'ud disait, la chose qui mérite le plus d'être enfermé ou d'être emprisonné, c'est quoi? Al-lisan. Allah Azza wa Jal continue à mettre en garde dans le Coran al-Karim. Ici, à mettre en garde les gens qui tournent leur dos. Et il dit dans le Coran, regardez, sourate At-Tawbah, c'est que des avertissements. Attention de tourner le dos. Vous avez tourné le dos. Ceux-là, ils sont prêts à tourner le dos. Ceux-là, ils seront récompensés. Ceux-là, ce sont les véridiques. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, « Ya ayyuhalladhina amanu, ma lakum idha qila lakum unfiru fi sabilillah, thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati dunya, min al-akhira fama mata'u al-hayati dunya fil akhirati illa qalil. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. الله عز وجل dit dans le verset 38, يا أيها الذين آمنوا, ô vous qui croyez, qu'avez-vous lorsqu'on vous dit élancez-vous au combat dans le sentier d'Allah. Imaginez-vous, ça c'était des gens où il faisait très chaud, ils n'avaient pas d'argent, et ici il y avait une armée, ils allaient risquer de mourir. Est-ce qu'Allah عز وجل, on va dire Inna Allah ghafurur rahim. Fais ta prière alors, mon frère. Inna Allah ghafurur rahim. Imagine-toi, ça c'était le djihad, ils allaient mourir. Est-ce qu'Allah leur a dit, c'est bon, vous êtes pardonnés? Ya ayyuhalladhina amanu, ma lakum, idha qila lakum unfiru fi sabilillah, thaqaltum ila al-ard. Regardez les mots qu'Allah utilise, subhanallah. Qu'avez-vous, lorsqu'on vous dit, élancez-vous dans le sentier d'Allah, vous vous êtes apesantés sur la terre. C'est lourd. Ah, khlas, on préfère le mec là, n'as, rigad. ثَقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ. Mais à côté, ils avaient quoi? Soit le lit, c'était matelas et péda qu'ils avaient. Hein? Alors imaginez-vous, c'est incomparable. Est-ce que vous croyez qu'ils étaient dans la même situation que nous, au jour d'aujourd'hui? C'était eux, c'était quoi? C'était pour rester chez eux, pourquoi? C'était pour rester chez eux, pour dormir par terre. En bas, par terre, il y avait du carrelage, il y avait du lino, ça. Il y avait quoi? La terre. Ils avaient, mashallah, l'eau chaude, l'eau froide, les baignoires. Ils avaient quoi? Subhanallah. Et à côté de ça, Allah il dit quoi? Faqaltum ila al-ard. Subhanallah. Où sommes-nous, nous? Aina nahnu min ha'oula? Allahumma ahdina wa la tafdahna. Qu'Allah Azza wa Jalla ne nous scandalise pas. Allahumma arzuqna husna al-khatima. Qu'Allah Azza wa Jalla nous donne une fin ici favorable pour nous, bi'idhnillahi azza wa jalla. Ici, écoutez bien ce qu'Allah azza wa jalla dit. Élancez-vous dans le sentier d'Allah. Vous vous êtes appesanti sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à quoi? Al-akhirah. Il dit ça, cette vie pour laquelle vous appesantez, vous restez, si c'est rien par rapport à Al-Akhirah, si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Maintenant, toi, t'oses dire, juste alors que tu as le confort, salat à l'heure, innallah ghafoura, la prière à la mosquée le fait. Ah, c'est dur, la ghalab. Yu'adhibukum azaban alima. L'été faisait très chaud, des pauvres et des gens qui voulaient combattre et qui pleuraient pour combattre. Faqaltum ila al-ard. Allah Azza wa Jalla dit ça concernant les gens qui ont voulu tourner le dos, et vous remplacera par un autre peuple, vous ne lui nuirez, châtiment douloureux, et vous remplacera par un autre peuple, vous ne lui nuirez en rien, et Allah, ala kulli shay'in qadir, il est omnipotent. Il peut te remplacer et il n'a pas besoin de toi, ya Abdallah. Lakin Allah, il veut. Il t'a mis sur cette terre, c'est un examen, et ici, il veut que tu lui obéisses. Il veut que tu exécutes ce qu'il t'a dit d'exécuter, ya Abdallah. Et ici, pas de fausse excuse. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah, il sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Et ça, c'est l'aqidah. Ceux qui disent, oui, on n'a pas vu dans le site des cours de aqidah. Ya Abdallah, c'est que t'as rien compris à l'aqidah. C'est que t'as rien compris à l'aqidah. La vie du prophète, c'est l'aqidah. Al-Qur'an, c'est l'aqidah. Dans le fiqh, la jurisprudence, tu trouves des règles de aqidah. Ça, c'est l'aqidah dans l'application. La croyance, les dogmes islamiques, at-tawhid, l'unicité, s'en remettre à Allah, être sincère envers Allah dans l'application, comme l'ont fait les sahaba, ça c'est l'aqidah sahiha. Ça c'est la vraie croyance et les vrais dogmes qu'on doit mettre en application. Tandis que le pauvre, pauvre d'argent, riche de cœur et de iman, ici ils étaient sincères, ils relataient dans Al-Bidayah wa Al-Nihaya, بسند صحيح كما قال ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. Il est relaté ici que Uliya ibn Zayd ou ibn Yazid se recueillit dans sa prière une bonne partie de la nuit. C'était les pauvres. Ils n'avaient pas d'argent. Ils ont cherché à trouver de l'argent pour donner. Avec cela, ils se sont arrêtés là. Donc déjà, ils ont pleuré. Pourquoi on ne va pas sortir? À côté, ils ont cherché tout ce qu'ils avaient. Ils donnaient ce qu'ils avaient. L'aralab. Regardez, subhanallah. Quel monde. Wallah al-adim, quand on rentre dans les détails, on dit, mais c'est pas, ils ont existé ceux-là. Subhanallah. Ça, c'est sahaba, yuhal ikhwat wal akhawat. Quand je dis, ils ont existé, bien sûr, ils ont existé. Mais c'est pour façon de parler, pour dire, regardez, tu as du mal à croire, tu dis, subhanallah. Lakin, c'est une vérité. Allah, le prophète Assam, il rappelle ici dans le hadith, as-sahih, rapporté par le bidaya wal nihaya. Ici, autant je fais par Sheikh Al-Albani, écoutez bien, un homme pauvre, il est parti faire la prière de la nuit, parce qu'il pouvait pas participer au djihad. Il a fait qiyam ul-layl. Allahu akbar. Rajoute avec tout ça, qiyam ul-layl. Où sommes-nous et moi le premier? Allah, musta'an, Allah hidina. Ici, il a fait la prière de la nuit, puis il eut des larmes aux yeux et invoqua ainsi Allah Azza wa Jalla. Il a pleuré. Il a dit, Ya Rab, ô mon Seigneur, ô Allah, tu as appelé au combat sur ta voix et tu as exhorté, mais tu ne m'as pas muni des moyens pour y participer. Khalas, tu as appelé au combat, mais moi j'ai pas les moyens. Pour y participer, comme tu n'as pas mis à la disposition de ton messager ce dont il puisse me munir pour ce combat. Même le prophète, il avait pas. Il dit, alors en guise d'aumône, regardez subhanallah, alors en guise d'aumône, quiconque des musulmans m'est redevable d'avoir porté atteinte à mes biens, à mon corps ou mon honneur, je lui en fais grâce. Il dit, je veux faire une aumône. J'ai pas d'argent. Le prophète, il a pas pour participer au djihad. Il dit, en échange, Allah, en guise d'aumône, pour que ça t'accepte ça, en guise d'aumône, tous ceux qui m'ont fait du mal dans mon honneur, dans mes biens, ça je leur pardonne. Pour que ça serve en guise d'aumône pour toi, ya Allah. Regardez ici l'imagine, regardez la pensée qu'il a eue. Et il faisait ça qiyam ul-layl. Et ici, le lendemain, ce même compagnon était comme d'ordinaire avec les gens quand le prophète alayhi salatu wasalam arriva et demanda, où est celui? Où est celui-là qui a donné l'aumône cette nuit? Personne ne répondit et le prophète alayhi salatu wasalam réitéra sa question et dit, qu'il se lève. Alors, Uliya se leva, enfin et informa le prophète alayhi salatu wasalam. Et celui-ci, le prophète alayhi salatu wasalam, lui alors dit, apprends la bonne nouvelle de la part de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Par celui qui détient ma vie, ton offre a été consignée pour toi en tant qu'aumône légale agréée. Zakat, en tant qu'aumône légale agréée. Le prophète alayhi salatu wasalam a eu la révélation que cette personne ici a donné une aumône dans la nuit et que ça a été accepté ici comme aumône légale agréée, accepté auprès d'Allah azza wa jalla. Il s'est pas arrêté, la ghalab, je peux pas. La ghalab, je fais les causes au maximum. Et je peux pas, et ben je fais qiyamul layl. Et je fais pas qiyamul layl pour me rattraper. Non, et j'invoque, et Allah, je veux quand même donner une aumône. Il y a plus, hey, t'as pas d'argent, tu vas donner comment ton aumône? Qiyamul layl, c'est une bonne action, arrête-toi là. Non! Ya Allah, on m'a fait du mal, mon honneur, mes biens, tout ça, je pardonne, mais accepte-moi, ici, en guise d'aumône. Ça, il t'a accepté. Min al-mu'minin rijal. Ça, c'est les compagnons, radiyallahu anhu wa ardahum. Et on les connaît pas assez, les compagnons. Et ici, on ne médite pas à leur vie et on ne prend pas assez les compagnons comme exemple pour se rabaisser et se dire, ya akhi, tu vaux rien par rapport aux compagnons. Je ne dis pas tu vaux rien. Peut-être tu vaux énormément près d'Allah Azza wa Jal. On ne dit pas tu vaux rien, je ne suis rien. Non, on ne se rabaisse pas. Lakin, par rapport aux compagnons, on ne vaut rien. Donc ici, un peu de modestie et un peu de travail. On ne dit pas un peu de travail, juste un peu de travail et d'investissement. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Fi sahihain, d'après Anas ibn Malik. Avant d'entrer Médine, le prophète alayhi salatu wassalam a dit à ses compagnons, il y a à Médine des gens qui ont fait avec vous le même parcours et traversé les mêmes vallées. Quand ils sont revenus de la Ghazwat Tabouk, et on va parler de l'allée là, mais je parle de là parce que c'est le contexte, quand ils sont revenus de cette bataille, de cette expédition, le prophète alayhi salatu wassalam, regardez qu'est-ce qu'il a dit, il y a à Médine des gens qui ont fait avec vous le même parcours et traversé les mêmes vallées. Retenez bien, ça c'est une règle. Qa'ida fil islam, fil sahihain. Selon Anas ibn Malik, il a dit à des gens, ils ont fait le même parcours que vous. Mais ils n'étaient pas avec vous. Alors qu'ils n'étaient pas avec vous, l'on demanda au messager d'Allah, même s'ils sont restés à Médine, alors qu'ils n'étaient pas avec nous. Oui, car seul l'empêchement majeur les y a retenus. Car seul l'empêchement majeur les y a retenus. Et ça, c'est une preuve que quoi? Comme le prophète alayhi salam, il dit, ici, il y a des gens qui ont fait avec vous le même parcours et traversé les mêmes vallées. Ils ont fait la même chose. Mais quoi? Ils avaient une excuse valable. D'accord? C'est une excuse valable. C'est pas une fausse excuse. D'accord? C'est une excuse valable. Ces personnes-là, ils sont excusés. Si toi, par exemple, on te dit, Yahri, on a besoin de toi. Pourquoi, Yahri? Il faut qu'on aille faire des récoltes dans telle ville. On n'a personne. Des récoltes, fi sabilillah, pour la mosquée, pour construire une école, etc. S'investir dans le da'wah. Wallahi, je ne peux pas. C'est quoi ton excuse? Alaykoum salam. Mon épouse, mes enfants sont très malades. Je suis obligé de rester auprès d'eux pour les servir parce que c'est impossible. Il n'y a personne d'eux qui pourra s'occuper d'eux. Et si je pars, wallah, ils peuvent, ici, ça peut porter préjudice à mon épouse ou à mes enfants. Parce que là, c'est vraiment grave. C'est pas ma femme a la mal à la tête. Il faut mon mari pour me donner des doliprane tous les deux minutes. Ou alors mon fils, il est tombé par terre et s'est écorché. Il y a vraiment un préjudice énorme. Et personne ne peut les suivre. Et celui-là, il dit, wallah, sinon j'aurais été. Wallah, ici, il est sincère. Et si vraiment il voulait y aller, et il a vraiment, il ressent ça au fond de lui, il dit, pourquoi j'ai pas été là, wallah, j'aurais trop aimé. Wallah, et tout ce que font ces personnes, bi'idhnillah azza wa jalla, la même récompense. Ad-Dalil, rapporté par Al-Bukhari au Muslim, le hadith où le prophète Al-Sam a rappelé que ceux-là ont la même récompense que les autres qui sont sortis avec le prophète Al-Sam. Pourquoi? Car ils ont été retenus par quoi? Des excuses majeures. On est d'accord? Quelqu'un va nous dire, wallah, je peux pas. Pourquoi? Parce que, wallah, j'ai des trucs à faire. T'as quoi à faire? J'ai des trucs un peu à droite, à gauche, c'est dunya, etc. Et on a besoin de lui. Est-ce que c'est des excuses valables? C'est pas valable, ya Abdallah. Ad-dunya, c'est qui la gère? C'est Allah Azza wa Jal, Al-Ghani. C'est Allah Azza wa Jal, on te dit de sortir pour qui? On dit de sortir pour moi, ou pour toi, ou pour Mohamed, ou pour Karim? On te dit de sortir fi sabilillahi Azza wa Jal. من ترك امرا لله عوضه الله خيرا منه كما قال عليه الصلاه والسلام. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah remplace cette chose par quelque chose de meilleur. Si c'est ton travail, on te dit pas de faire comme certains égarés. Laisse ton travail alors que tu as un contrat, délaisse tout et pars ici fils Abila, je ne sais où, jusqu'à ce que tu perdes ton travail. Non. Mais si ça peut attendre, ça, c'est pas, t'as pas un engagement, tu t'es pas engagé avec quelqu'un, etc. et tu peux le reporter, laisse tomber. Donc que dire des gens qui ont des fausses excuses? Donc quelqu'un va nous dire, oui, mais les femmes et la femme et les enfants, c'est des excuses. Parce que tu l'as dit, je l'ai dit ou pas? La femme et les enfants, c'est une excuse ou pas? C'est une excuse ou pas, la femme et les enfants? Vous avez l'air d'hésiter. Ça dépend d'eux. Ça dépend. Bien plus que cela. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, « Ya ayyuhalladhina amanu » إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. الله يدي dans le Coran. Mon frère, tu vas expliquer un verset de toi-même. On va expliquer le verset avec un hadith authentique authentifié par Hassanahu al-Albani. Jugé bon par Cheikh al-Albani dans Sahih al-Tirmidhi. Allah Azza wa Jalla dit, oh vous qui avez cru, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Oh vous qui avez cru, il y a dans vos épouses et dans vos enfants un ennemi, surveillez-les à titre de tentation, ou alors un ennemi, une tentation. Quelle est l'explication de ce verset coranique? La femme et les enfants, c'est un ennemi. Subhanallah. Les femmes vont dire, comment ça nous un ennemi? Les enfants un ennemi, on ne comprend plus rien. Écoute l'explication du verset coranique. Et Allah Azza wa Jalla après ça, il dit, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. D'accord? Donc ici, si vous excusez, passez sur les fautes, pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur. Ça c'est la deuxième partie. Mais on prend la première partie. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Oh, vous qui avez cru, toi, moi, on est considéré par, on est concerné par ce verset coranique. Inna min azwajikum, vos épouses et vos enfants sont un ennemi, fahdharuhum, surveillez-les. C'est quoi l'explication? Abdullah ibn Abbas, dans le hadith alladhi hassanahu al-Albani rahimahullah ta'ala fi sahih al-Tirmidhi, il dit, ce sont les Mekwa, les gens qui vivaient à la Mecque, ce sont les gens qui vivaient à la Mecque. Écoutez bien, ils vivaient à la Mecque. Et ils voulaient rejoindre le prophète à Médine, car le prophète alayhi salatu wasalam, il était à Médine. Par amour envers le messager d'Allah alayhi salatu wasalam, ils voulaient faire le hijra pour apprendre leur religion. D'accord? Pour apprendre leur religion. Et ils étaient à la Mecque et ils sont restés. À cause de qui? Leurs femmes et leurs enfants. Ils leur ont dit, restez. Pourquoi vous allez partir à Médine et tout, restez avec nous? Et les enfants, non, restez avec nous, etc. Occupez-vous de nous et tout. Les femmes leur disaient ça et les enfants, ils étaient à la Mecque, ils voulaient aller voir le prophète à Médine. Quand après, plus tard, ils sont partis rejoindre le prophète à Médine, ils ont vu, masha'Allah, tabarakallah, sahaba, ils avaient appris, ils avaient en profité du prophète, alayhi salatu wassalam, ils avaient pris un niveau. Ils ont dit, comment ça? Nous, on a été retenus par nos femmes et nos enfants, eux, ils nous ont devancés. وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Ils se concurrencent dans quoi? Dans le bâtil. Celui-là, il a acheté une voiture, je prendrai une plus belle voiture. Celui-là, il a acheté un vêtement, je prendrai un plus beau vêtement. Celui-là, il a plus d'argent que moi. Ouais, ce que disent les gamins. Même s'il a 50 ans, c'est un gamin. وَلَعِيَذُ بِاللَّهِ. Donc ici, est-ce qu'ils avaient cette mentalité? Ils ont dit, eux, ils ont profité du messager d'Allah. Qu'est-ce qui nous a retenus? Ils sont tournés vers qui? Sakin. Les femmes et les enfants. Qu'est-ce qu'on va leur faire? Ils sont partis, ils avaient dans l'intention de les corriger. Comment ça, vous nous avez empêchés? Allah tout de suite, il a révélé. وَإِن تَعْفُوا. Allah Azza wa Jalla a dit, وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا إِنَّ اللَّهَ أَوْفَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Si vous excusez, passez sur les fautes, pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur. Pour leur dire, khlas, c'est mieux, pardonnez-leur. Tout de suite après. Alors qu'ils ont été retenus à cause de quoi? Quelqu'un va nous dire, aujourd'hui c'est des excuses. Mais nous disons, c'est des fausses excuses dans certains cas. Ad-dalil. Ya ayyuha alladhina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. C'est des ennemis. À partir du moment, comme on dit l'ulama, que ta femme et tes enfants sont un obstacle pour toi quant à l'avancée ou à ton avancée dans la religion, sache que c'est un ennemi pour toi. Ça ne veut pas dire que tu dois la frapper. Abadan. Ça ne veut pas dire que tu dois la divorcer tout de suite. Abadan. Ça veut dire que quoi? La ta'ata li makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Tu écoutes Allah et son messager avant ton épouse, ta mère, ton père, tes enfants. Et troisièmement, tu réponds au mal par le bien, c'est-à-dire s'ils sont égarés, patiente avec eux. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha kama qala subhanahu wa ta'ala. Et ordonne à ta famille la prière et sois régulier, constant, patient, plus que patient quant à cet ordre et cette recommandation envers ta famille. Ordonne-leur, mais qu'ils te détournent, sache que tu es égaré, wal'iyadu billah, et que ça ne sera pas une excuse pour toi. Quand tu vois que ta femme et tes enfants sont un empêchement, sont une barrière pour avancer dans la religion, attention, même tes enfants, je les ai, khlas. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, certes, innama amwalukum, vos biens, et qui? Et vos enfants sont une tentation. Al-ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit? Allah Azza wa Jalla les a mis à ta disposition, les biens et les enfants, pour t'éprouver. C'est un test. Si toi, tu te fais détourner par tes biens et tes enfants, sache que tu t'es fait détourner par cette tentation et que tu as raté l'examen. Tu as raté l'épreuve. Tes biens et tes enfants sont une épreuve. Ici, il ne faut pas être détourné par ces tentations. Donne-leur leur haqq. Donne-leur leurs droits, occupe-toi d'eux, comporte-toi bien avec eux, mais pour qu'ils soient une barrière pour toi dans l'avancée de la religion, et vice-versa, toi, Urtil Kalima. Si ton mari est une barrière pour toi dans l'avancée de la religion, abadan, tu ne l'obéis pas. Et ici, tu dois l'exhorter avec sagesse et bonne exhortation, et de la meilleure des façons, et la principale des causes pour qu'Allah guide ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, c'est quoi? Ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. Invoque en leur faveur comme on fait As-Sahaba, comme on fait le prophète, comme on fait Al-Anbiya et Wal-Rusul, comme Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran et le prophète dans la Sunna authentique. Délaissez jamais la première des causes. Et la plus importante, c'est quoi? Avant de faire les causes, c'est d'invoquer Allah Azza wa Jalla. Car quoi? Allah dit dans le Coran, وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ. Si Allah fait qu'il t'atteigne un mal ou qu'un mal t'atteigne, ici personne ne peut l'enlever ou l'ôter si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Invoque Allah. Tu es égaré, tu glisses, tu as des défauts, tu as... Invoque Allah. Même si tu dis, mais moi je suis égaré, moi je vais demander. Invoque Allah. Peut-être que toi aujourd'hui tu es égaré, demain tu deviendras parmi les meilleurs des croyants, parmi les meilleurs des gens, où c'est Allah Azzawajal qui va ouvrir ta poitrine à l'islam encore plus, et qu'Allah va te guider, tu feras partie des pieux, tu auras tout gagné, ici-bas et dans le-delà. Te rabaisse pas, invoque Allah. Personne ne s'était sincère. Tu fais ta prière, sujoud. Ya Allah, comme il est relaté dans Sahih Muslim, le moment où le croyant est le plus proche d'Allah Azzawajal, c'est quoi? Quand il est prosterné, comme a fait Sahih Muslim. Et tu dis, Ya Allah, guide-moi. Ya Allah, guide ma sœur. Ya Allah, guide ma femme. Ya Allah, guide mon époux. Ya Allah, ad-du'a, n'oublie pas du'a, ya ibad Allah. Et attention que tes enfants et que ta femme soient une cause de ton égarement. On continue dans l'adilla. Ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humu al-khasirun. Oh vous qui avez cru, la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah, que ni vos biens et vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. C'est Allah, regarde tous les versets qu'Allah il parle de quoi? Des biens, des enfants et de la femme. Du rappel d'Allah Azza wa Jal, le Coran, la salat, la da'wa, etc. Wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Et ceux qui font ça, ce sont eux, al khasirun, les perdants, wal iyad billah. Donc ahlul a'dhar, ceux qui ont des excuses valables. Amma tes excuses, excusez-moi du terme, je passe de l'euro au franc. Tes excuses à 2 francs. Oui, mais moi j'ai des enfants, je dois leur donner du temps. Et je dis pas que tu dois pas leur donner du temps. Mais c'est-à-dire que, alhamdoulilah, ici tu les vois tous les jours, tu as la capacité de les voir tous les jours, ils ne manquent de rien, et ici ça t'empêche de faire ad-da'watu ilallah, de t'investir dans la religion, d'apprendre ta science. Ou bien, j'habite loin, je peux pas apprendre ma science. Ou bien, comme, bon ça c'est les plus graves, hein, c'est ceux qui ont beaucoup, qui sont proches de l'kibr. Non, moi je connais déjà, j'ai pas besoin qu'on m'enseigne plus. Ou bien, ça c'est des excuses fondées sur une base qui n'est pas du tout solide, qui s'appelle al-batil wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa. Une base qui s'appelle le faux, et Allah dit dans le Coran al-Karim, il dit la vérité est venue, le faux s'en est allé, le faux est voué à quoi? Disparaître. Cette fausse excuse disparaîtra et te fera tomber dans quoi? Peut-être dans l'enfer, wal iyad billah, a'adana Allah wa iyyakum min an-nar. Eux ils leur ont dit quoi? La tanfiru fil har. Ne partez pas dans quoi? Dans cette chaleur. Qul naru jahannam ashaddu harra, comme قال subhanahu wa ta'ala, le feu de l'enfer, il est plus intense. Le feu ici qui t'attend, il est plus intense en chaleur. C'est Allah Azza wa Jalla qui le dit. Donc attention ici aux fausses excuses. Et parmi ceux qui ont donné des excuses ici c'est à -10, à -15. Mshitana. C'est à -10. Masha Allah. Et il y a d'autres personnes, subhanallah. Mais Ghazwat Tabuk, subhanallah, c'est une histoire, mashallah. Ici, d'autres ont donné des excuses, et wallah, ajib. Toutes sortes d'excuses. Et wallah, celui qui n'a pas étudié la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, comme il se doit, en tirant les fruits comme on les tire, je crains pour lui qu'il s'égare un jour ou un autre. Parce qu'on se retrouve ici, wallah. Et regardez ici, parmi les excuses, il y a des gens qui vont te sortir des excuses aujourd'hui, celui-là qui n'a pas d'ilm. On va dire, ouais, peut-être c'est une excuse. Celui-là qui a l'ilm, wallah al-azim. Bal aqul al-fiqh. La compréhension. Mais yuridi Allahu bi khana yufaqihu fi din. Comme a dit Ali sallam fi sahih. Ici, la bonne compréhension, il va dire ses excuses tout de suite, il va voir. Il aura ce qu'on appelle al-furqan. C'est-à-dire le discernement entre le vrai et le faux. Il y a des gens parmi les compagnons qui ont trouvé quoi comme excuse? Ils ont dit à Rasulallah, tu me connais. Et les compagnons me connaissent. Moi, je suis attiré par les femmes. Et moi, j'ai peur que quand on va les combattre, je sois attiré par leurs femmes. S'il y a du butin après, etc., j'ai peur d'être attiré. Allah Azza wa Jalla a révélé un verset coranique sur ce compagnon qu'on va citer, et regardez l'excuse qu'il a trouvée. C'est-à-dire, il a été loin en disant, oui, mais c'est, je veux combattre, j'ai de l'argent, je suis avec toi, mais j'ai peur des femmes, je vais être tenté par les femmes là-bas. Toutes sortes d'excuses pour éviter quoi? D'emprunter le sentier d'Allah Azza wa Jalla, fi sabilillah, le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on verra la suite. la semaine prochaine bi-idhnillahi azza wa jal. Demain bi-idhnillahi azza wa jal, on continuera avec le cours entre le maghrib et l'isha. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fina wa fikum.